ta perte, bien que l'effet placebo marche. Prédiction, le courage m'appelle, loin de laisser passer l'orage. Mélange des lignes, gros tapeur sert quand il faut se battre. Face aux douleurs, les langues se délient, au diable leur serment d'hypocrate. Les années comptent, sens-tu le poids, mes psychos vu que je muse. Généralement c'est jamais bon quand tu vois les girons du smur. Mais plaisante pas, le brouillard s'enfuit quand le songe assiège. Les pieds dans le plat ou pas sentir dans son assiette. Rage de vivre, on se linocule via des seringues usagées. Ravale le vide, non je pignole dur, pas très serein, plus âgé. Remède de cheval, c'est v'là le bad trip qu'on faut la battre. L'injustice m'arrache le cœur de la poitrine comme au larame. Valeureux, je plante, fier, t'as plus de rap. Un paquet de peine nous affaiblisse, malheureusement reste incurable. C'est bien que je me pose, insultant les pitafs en creuse. Allô docteur, besoin de repos, pas de substance médicamenteuse. Comme Serge Lama, déçu de ma life et la colère, tel un cancer, je la masse. Allô docteur, donnez-moi mon traitement. Je vois qu'on m'a pris pour un fou concrètement. Faut s'emparer du bonheur, sans caresser la merde. Tout zapper sans caresser la même. Allô docteur, plus rien ne pourra mieux soi. J'ai trouvé que le peur a pour allier soi. T'en feras son tab, viendra celle de Jacques des chirurgies. Si t'en traces en tasse, éclat, douleur de Jacques des chirurgies. Fais tous ravivre, c'est en avance qu'on édifie. Je les envoie tous ravis, des camps avant qu'on m'édifie. Allô docteur, chaque mimique ne sera qu'un air de saltar et sous mes docs. Les schlacs militent, dès que la galère s'attarde et sous mes docs. Je rêve de prendre mes distances, c'est le cri même sans tes m'accrocheurs. Je vais tenter d'entrevoir l'avenir, mais sans tes m'accrocheurs. La vie rappelle à l'ordre et claque comme un acteur à cran. Y'a qu'après la mort cérébrale qu'on reste un cœur à prendre. Ton homme se tord d'alerte et tout. Tralala, quand le corps sonnera l'alerte, écoute, tralala. Tous tes cris d'appel à l'aide, par des silences incompris, sa peine à l'aide. Triple des cris, même en le décimant, ça compris. Mal au docteur, dois-je finir à 50 berges, la canne et l'oxygène. Tôt 50 berges, j'ai dans la cam, un tas d'hémoxygène. Comme Serge Lama, déçu de ma life et la colère, tel un cancer, je la masse. Allô docteur, donnez-moi mon traitement. Je vois qu'on m'a pris pour un fou concrètement. Faut s'emparer du bonheur, sans caresser la merde. Tout zapper sans caresser la même. Allô docteur, plus rien ne pourra nier soi. J'ai trouvé que le peur a pour allier le soi. De moi, je dirais pourtant que j'ai pas tout vu. Ici et là, des hommes dépensent des sommes énormes pour une allure. Souris au diable et leur raison, c'est qu'à Klein qui les anime. Je laisse filer ses cons, je tendrai la main qu'à ma gamine. Amorphé dans le coma, amorphé dans le trauma. Au fond de moi, j'ai bien trop mal et la douleur est dans le thorax. Il est trop tard pour qu'on s'attarde, donc on s'attend au pire. Je rentre pas même si ça crame quand c'est Satan au tir. Mais je traîne un malaise remuant entre ciel et terre. Un stress de vie malsain et ma couleur de cerne éterne. Ôtez-moi cette épine, délivrez-moi de ce mal au cœur. Et si personne n'entend mes cris, répondez-moi à l'eau docteur. J'irai graver sur une de ces banques que notre avenir est tracé. Texte à l'encre de mon sang que rien ne pourra effacer. Une âme errante en salle d'attente qui tourne en rond comme une toupie. La mort est lente, sans traitement, le compte rendu d'un c'est tout bim. Comme Serge Lama, déçu de ma life et la colère, tel un cancer, je la masse. Allô docteur, donnez-moi mon traitement. Je vois qu'on m'a pris pour un fou concrètement. Faut s'emparer du bonheur, sans caresser la merde. Tout zapper sans caresser la même. Allô docteur, plus rien ne pourra nier soi. J'ai trouvé que le peur a pour allier le soi. Comme Serge Lama, déçu de ma life et la colère, tel un cancer, je la masse. Allô docteur, donnez-moi mon traitement. Je vois qu'on m'a pris pour un fou concrètement. Faut s'emparer du bonheur, sans caresser la merde. Tout zapper sans caresser la même. Allô docteur, plus rien ne pourra nier soi. J'ai trouvé que le peur a pour allier le soi.